الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن continuons l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi avec l'explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى la semaine dernière on avait traité toujours dans le chapitre de Al-Qadar ou Al-Qadar, la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé toutes choses avec prédestination et juste mesure. Et on avait expliqué entre autres les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose à sa juste proportion. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ma asaba min musibatin aw ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. ثم قال المؤلف وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا Puis l'auteur dit Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et quiconque Allah veut guider Il lui ouvre la poitrine à l'islam Et quiconque il veut égarer, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا Il rend sa poitrine étroite et gênée. Il rend sa poitrine étroite et gênée. قال الشيخ الفوزان وَهَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا إِثْبَاتُ الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ وَقَبُولَهُ لِلْحَقِّ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ فِيهِ أَهْلِيَّةً يجعل فيه أهلية لذلك بأن يشرح صدره للإسلام يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له فالله جل وعلا فالله جعل فيه قابلية لذلك وجعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه وتعالى أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير وينشرح صدره للإسلام وينشرح صدره للإسلام Donc Cheikh Fawzan dit, il y a dans ce verset l'attestation de la volonté divine al-iradatul kawniya, la volonté universelle celui à qui Allah Azza wa Jal veut guider et bien il va faire en sorte que cette personne accepte la vérité Il va faire en sorte que cette personne accepte la vérité et il va ouvrir sa poitrine. Il va faire en sorte que cette personne soit apaisée, que cette personne accepte la vérité, que cette personne recherche le bien et la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde cela, c'est-à-dire accorde le fait d'être serein, d'avoir la poitrine ouverte et qui est prête à accepter le bien et la vérité, Allah Azza wa Jalla l'accorde à ceux dont il sait qu'ils veulent le bien, à ceux dont il sait qu'ils recherchent la vérité. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde cette faveur. وَمَنْ يُرِدْ قَضَاءً وَقَدَرًا أَنْ يُضِلَّهُ بِعَدْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْهِدَايَةِ فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية ويجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه يجعله ضيقا لا يقبل شيئا يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة صدره ضيقا حرجا يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق بل يضيق صدره إذا سمع الحق ضاق صدره وانقبض وأعرض وكما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Et quant à ceux à qui Allah Azza wa Jal ne veut pas guider ou ceux qu'il veut égarer. Allah Azzawajal veut les égarer par sa justice, subhanahu wa ta'ala, car il sait que ces personnes ne méritent pas d'être guidées. Et ils méritent d'être égarées. Allah Azzawajal va faire en sorte que ces personnes n'accepteront pas la vérité et que leur poitrine se rétrécira et qu'ils seront gênés et qu'ils n'accepteront pas la vérité. Comme l'a dit Allah Azzawajal, il et ceux qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Et dans une autre lecture, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas la vérité, qu'il n'est pas apaisé à celle-ci. Et lorsqu'il entend la vérité, il s'en détourne et il se rétracte. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Az-Zumar, le verset 45, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Et quand Allah est mentionné seul, c'est-à-dire sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, c'est-à-dire qu'ils se rétractent, ils ne sont pas sereins. Et quand on mentionne وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, voilà qu'ils se réjouissent. Voilà qu'ils se réjouissent, c'est-à-dire que leur cœur est apaisé lorsque les divinités en dehors d'Allah leur sont citées. Mais quand la vérité et quand le bien leur est apporté et leur est cité, leur cœur se crispe, ils n'acceptent pas. فَهَذَا الصِّنْفُ مِنَ النَّاسِ يَفْرَحُ بِالْبَاطِلِ وَيَنْقَبِضُ عَنِ الْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ قَابِلِيَّةٌ لِذَلِكَ لِعِلْمِهِ جَلَّ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْهِدَايَةِ. Et cette catégorie de gens qui se réjouissent du mal et qui se rétractent de la vérité, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait en sorte que leur poitrine accepte la vérité, car il a su subhanahu wa ta'ala et il sait azza wa jal que ces personnes ne méritent pas d'être guidées. والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس, من الناس من ينقبض إذا سمع الحق وسمع القرآن وسمع الذكر وسمع المواعظ ينقبض ويضيق صدره, ومن الناس من يرغب في الخير ويرغب في سماع الخير, فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد, فالذي يقبل على الحق أو يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق, والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله, لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا لها ولا يضع الضلال في من ليس أهلا له, بل هو يضع الأمور في مواضعها وذلك حسب إرادته الكونية. Et Allah Azza wa Jal est le tout sage. On a vu à plusieurs reprises que la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, c'est de mettre chaque chose à sa place. Donc Allah Azza wa Jal met et accorde la guidée à celui qui la mérite et à celui qui l'accepte, à celui qui est tranquille, à celui qui est tranquillisé à cela, et il accorde l'égarement à celui qui n'accepte pas la vérité. Et ceci est présent chez les gens, car il y a parmi les gens des personnes qui se rétractent et qui sont récalcitrants lorsqu'ils entendent la vérité, lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent les belles paroles, lorsqu'ils entendent les exhortations, ils ne sont pas tranquilles. Leur cœur se rétrécit, leur poitrine s'essouffle. Et d'autres personnes qui aiment écouter la vérité, qui aiment écouter le Coran, qui aiment écouter les recommandations et qui sont apaisés lorsqu'ils écoutent toutes ces choses, pour cela qu'Allah Azza wa Jal accorde la guider à qui il veut, et il accorde l'égarement à qui il veut, et lorsqu'il accorde, il ne peut accorder la guider à celui qui ne la mérite pas, et il ne peut accorder l'égarement à celui qui ne le mérite pas. Et on voit dans cette explication de Cheikh Al-Fawzan que les gens, yani que la guider et l'égarement ont une cause, et la cause c'est quoi? C'est la personne. C'est la personne en elle-même, plus elle accepte, et plus Allah Azza wa Jalla va lui faciliter. Et plus elle refuse, et plus Allah Azza wa Jalla va lui faciliter ce refus et l'égarement. Donc, la guider et l'égarement ont une cause. Et les personnes ont une part de responsabilité, car c'est toi qui as voulu ne pas accepter cette vérité. Si tu avais voulu, tu l'aurais accepté. Mais c'est toi qui ne veux pas entendre la vérité. C'est toi qui, lorsque les bonnes paroles sont dites, lorsque la vérité est dite, lorsque les exhortations sont prononcées, cela ne te plaît pas. Soit par ostentation, soit par kibr, yani par orgueil, ou par mépris, ou pour toute autre chose, yani tu es responsable de tes actes, et si tu es égaré, c'est parce que tu mérites cet égarement. Non. Est-ce que rentre dedans, dans ce cas-là, la guider de la personne qui prie, qui écoute le Coran, tout ça, mais qui refuse le ménage, par exemple? Est-ce que ça rentre dedans? Il écoute le Coran, il prie, il wahaj, tout ça, mais il refuse. Il accepte une chose, il refuse une autre. Il refuse la plus importante. Parce que le fait d'accepter le Coran, etc., c'est une chose, mais il y a aussi la vérité qu'il faut prendre en compte. Et de toute façon, comme disent les savants, celui qui a un manhaj, qui connaît des lacunes, cela va avoir des répercussions sur son comportement et sur sa foi. Car une personne qui ne suit pas la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, un jour ou l'autre, yani, il va être amené à faire des innovations. Il va être amené à prendre en compte des hadiths qui sont faibles. Il va être amené à ne pas prendre en considération les paroles des savants. Et donc cela va avoir une influence et un impact direct sur son comportement et sur son adoration. Donc même s'il est sincère, parce que là ça revient à ça, d'être sincère, d'écouter, d'aimer la parole d'Allah, mais cela ne suffit pas, il faut aussi suivre la voie du prophète, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a voulu ne pas le faire. Voilà, ya billah, et si il continue dans cette voie, Allah azza wa jalla va lui faciliter l'égarement. Et là, sauf si Allah azza wa jalla le comble de sa miséricorde. Sauf si Allah Azzawajal le comble de sa miséricorde, car si Allah Azzawajal guide quelqu'un, il le guide par ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bien qu'il lui fait, même si cette personne du mal à accepter la vérité. Mais Allah Azzawajal, il comble qui il veut de ses bienfaits et de sa miséricorde. Il y a une ayah sur le minhaj. Non, mon ami Cheikh Al-Rasoul. Non, ça. نعم صحيح ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى que celui qui va à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam من بعد ما تبين له الحق après que la vérité lui était montrée et qui suit la voie d'autres que les croyants, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نوليه ما تولى. C'est-à-dire que nous ferons en sorte qu'il se détourne comme il a voulu. Et nous le ferons entrer en enfer, et quelle mauvaise destination. وإنما يطير بواسطة الآلات أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء لأن الله لم يخلقه طائرا وإنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو كذلك يجعل الله الرجس انظر بيان الحكمة على الذين لا يؤمنون هذا بسبب عدم إيمانهم. Puis Cheikh Al-Fawzan explique la suite du verset où Allah a dit فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Donc Allah Azza wa Jalla dit, et quiconque Allah veut un bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et à quiconque il veut égarer, il fait en sorte, ou il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Et Cheikh Fawzan dit, en expliquant cette parole d'Allah Azza wa Jalla, comme s'il s'efforçait à monter au ciel, c'est-à-dire que il est impossible que cette personne croit et ait la foi comme il lui est impossible de voler dans les airs. يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء. Il lui est impossible d'avoir la foi, et ni celui à qui Allah Azza wa Jalla a égaré et à qui il a rendu la poitrine étroite et gênée, il ne connaîtra pas la foi, comme il ne lui est pas possible de voler dans les cieux. Car la personne n'a pas la possibilité de voler dans les airs toute seule, mais elle a besoin pour cela d'appareils comme les avions. Car Allah Azza wa Jal n'a pas créé l'être humain pour voler, mais il l'a créé pour marcher sur terre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans plusieurs versets du Coran. Il a certaines de ces créatures qu'il a créées pour voler, d'autres qu'il a créées pour marcher sur terre. Certains ont deux pattes, d'autres ont quatre. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. Ainsi Allah accorde le mal على الذين لا يؤمنون, pour ceux qui n'ont pas cru. Pourquoi Allah Azza wa Jalla leur a donné le mal? Parce que ils n'ont pas cru. بسبب عدم إيمانهم. وروى وقال المؤلف وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. قال الشيخ الفوزان لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة, فذكر حديث جبريل وهو حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر رضي الله عنهما لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين, هذا الرجل فيه غرابة عظيمة, ليس هو من أهل البلد لأنهم لا يعرفونه ولا من أهل السفر لأنه ليست عليه علامات السفر حتى يقول هذا غريب, ولذلك استغرب الصحابة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل, لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتهم, وإنما تأتي بصورة رجال حيث أعطاهم الله القدرة على التصور بصور الرجال. فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه, سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذه عجيبة ثانية, كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل, وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت, فدل على أنه عالم بذلك. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة, ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة, ولا بد من الأمرين, لا بد من الإسلام والإيمان, فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منها, لا يكفي الإسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام, بل لا بد منهما معا. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركن من أركان الإيمان هذا هو الشاهد من الحديث. Puis auteur, l'imam Qudam al-Maqdisi a cité le hadith d'Abdullah ibn Omar, selon son père Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le célèbre hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi salam, et parmi les questions qu'il lui a posées, quelle est la foi? Et le prophète sallallahu alayhi salam a dit, la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et Jibril alayhi salam a dit Sadaq, tu as dit vrai. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc l'auteur, après avoir cité les versets du Coran qui prouvent la croyance au destin et à la prédestination, non, il a rapporté les preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant le hadith de Jibril alayhi salam, le hadith d'Abdullah ibn Omar qui rapporte de son père Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsque Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne parmi ceux qui étaient présents ne le connaissait. Et malgré cette méconnaissance, le fait que personne ne le connaissait, il ne faisait pas partie des gens du pays ni des gens de la ville. Et de plus, il ne faisait pas partie des gens qui voyageaient car aucune trace de voyage n'était perceptible sur lui. Pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très étonnés de voir cet homme qui avait des vêtements très blancs, qui avait des cheveux très noirs et qui est venu s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril alayhi sallam venait souvent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine et car les anges ne se manifestent pas devant les fils d'un an sous leur forme réelle, sauf Jibril alayhi salam qui s'est manifesté devant le prophète sallallahu alayhi salam, comme il l'a dit, Raitu Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah alayha lahu sittu mi'at janah wa qad sadda al-ufuq. J'ai vu Jibril alayhi salam sous la forme par laquelle Allah azza wa jalla l'a créé, il avait 600 ailes et il a recouvert l'horizon. Il avait 600 ailes et a recouvert l'horizon. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges se sont toujours manifestés sous forme humaine, car les êtres humains n'ont pas cette possibilité et n'ont pas la capacité physique de supporter la vision d'un ange. Il est venu sous la forme humaine et s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a questionné sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est d'attester qu'il ne devrait être d'unité qu'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. Et cet homme lui a dit, tu as dit vrai. Et ceci était le second étonnement qui a percuté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que cet homme approuve la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est lui-même qui pose la question. Et cela n'est pas ordinaire, car celui qui pose la question, en général, ne connaît pas la réponse. Puis, il a demandé au professeur Hassan de lui dire « Qu'est-ce que la foi ?» Il a dit « Qu'est-ce que la foi ?» Et le professeur Hassan a dit « La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et envoyés, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Il a d'abord questionné, ou Jibril al-Islam a d'abord questionné le professeur Hassan sur l'islam, à savoir sur les actes apparent, sur les actes apparents. Puis, il l'a questionné sur la foi, à savoir les actes cachés. À savoir les actes cachés. Et il faut obligatoirement ces deux catégories d'actes. Il faut l'islam et la foi. L'islam qui sont les actes apparents et la foi qui sont les actes cachés. Et l'un ne suffit pas sans l'autre. L'islam ne suffit pas sans la foi, et la foi ne suffit pas sans l'islam. Et ceci répond directement à ces personnes qui disent « Moi, je crois en Allah, il est dans mon cœur, c'est le principal, c'est que je fais de mal à personne, je gagne mon argent, je vole personne, j'ai un travail halal, je nourris mes enfants, je les élève, mes voisins, je les respecte. Donc voilà, c'est bon, je suis un bon musulman. L'important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai de haine contre personne, j'aime tout le monde. Non, c'est pas ça être musulman. Être musulman, c'est avoir l'islam, c'est-à-dire appliquer les actes apparents qui sont la prière, qui sont la zakat, qui sont le hajj, qui sont le ramadan. Et ces actes-là sont les plus importants, c'est-à-dire que ce sont les cinq piliers. Mais il n'y a pas que cela à faire. Il y a aussi les interdits dont il faut s'abstenir. Et il y a les autres obligations qu'il faut faire, qui, elles, ne sont pas, malgré qu'elles ne soient pas des piliers, ce sont quand même des obligations. Et celui qui ne les accomplit pas sera châtié. Wa la'yadu billah. Puis, Cheikh Fawzan dit, et ce que l'on retient du hadith, c'est la parole du prophète sallam, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le prophète sallam a donc fait de la croyance au destin l'un des six piliers de la foi. Et cela prouve que celui qui ne croit pas au destin, eh bien, sa foi n'est pas authentique. Car elle sera amputée d'un de ses piliers. Wal'iyadu billah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره أورد الحديث الذهبي في سير أعلام النبلاء من حديث أنس بن مالك قال الشيخ الفوزان هذا الحديث ذكره المصنف ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. Puis l'auteur a dit, et le professeur Hassan m'a dit, je crois au destin, bon et mauvais, le doux comme amer. Doux comme amer. Et ce hadith a été cité par Al-Imam al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, et hadith rapporté par Anas. Ce hadith, en toute honnêteté, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé l'authenticité. Il n'est pas rapporté dans les Sunan. Et j'ai pas trouvé de jugement de Cheikh Al-Albani sur ce hadith, donc Allah alam, ça reste en suspens pour moi. Et Cheikh Al-Fawzan, on comprend que Cheikh Al-Fawzan aussi prend cette précaution lorsqu'il dit ce hadith qu'a cité l'auteur et qu'il a attribué au prophète. On comprend que Cheikh Al-Fawzan aussi ne s'est pas prononcé et prend ses précautions en disant que c'est l'auteur qui l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis là, et il dit, Cheikh Al-Fawzan, « wal ma'na sahih ». En mettant de côté le fait que le hadith est attribué au prophète ou non, quant à son sens, il est vrai. « Al ma'na sahih »« Anna l'imana bil qadar amrun la budda min khayrihi wa sharrih »« Al khayr kullu l'umur al mahbouba wal marghouba wal mufida » والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة الطاعات خير والمعاصي شر وكلها بقضاء الله وقدره. Donc Cheikh Al-Fawzan dit que le sens est vrai, à savoir que la croyance au destin est une chose qui est obligatoire, que le destin soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon, c'est-à-dire lorsque il y a des choses qui sont aimées chez les gens et qui leur apportent un bien. Et le mal, ce sont toutes les choses qui portent atteinte et les choses détestées. Les obéissances sont un bien et les désobéissances sont un mal, et toutes ont lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret. Wa hulwihi wa murrih al-qadr fihi hulw wa huwa ma yulahimu an-nufus min al-maladhat wal-masarat. وفيه مر وهو ما يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان هذا مر لكنه قضاء وقدر لا بد منه لا بد من الإيمان به. Et quant à sa douceur et à son goût amer, la prédestination ou le destin, il y a de la douceur, c'est-à-dire ce qui fait plaisir aux âmes et ce qui les rend joyeux. Ce qui les rend joyeuses. Et il y a aussi le goût amer, c'est ce qui ne plaît pas aux âmes, comme malheur, comme mal, comme humum, comment dire humum, Les soucis, non, comme les soucis, comme la tristesse, tout ceci est amer, mais cela fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut absolument y croire. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء فهذا يتبع هواه ويتبع شهوته لكن الذي يؤمن بحلوه ومره جميعا هو المؤمن الصحيح أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. Quant à celui qui ne croit au destin ou à la prédestination que lorsqu'il y a des choses douces et des choses agréables, celui-ci suit sa passion. Il suit ses passions. Quant à celui qui croit au destin, aux choses douces comme aux choses amères, c'est lui le vrai croyant. لكن الميزة لمن يؤمن بأمر القضاء والقدر أنه يصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدره الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et ce qui caractérise le croyant, ce qui caractérise celui qui croit au destin et à la prédestination, c'est qu'il patiente dans les malheurs et il sait que cela est arrivé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa prédestination. Comme Allah azza wa jalla dit, et ce sont eux les patients, comme Allah azza wa jalla dit, et annoncent la bonne nouvelle aux endurants, aux patients, ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنه لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها فيصبرون ولا يجزعون ولا يسخطون ويحاسبون أنفسهم ربما تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة فيحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Donc Cheikh Fawzel continue en décrivant ces croyants qui croient en la prédestination et qui patientent lors des malheurs. Il dit, ils savent que le malheur provient d'Allah, que ce malheur provient d'Allah et qu'il devait arriver et qu'il est arrivé ou qu'il a eu lieu par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il patiente donc et ne s'énerve pas et ne montre pas leur désagrément. Bien au contraire, ils jugent leur personne. Ils jugent leur propre personne. Car il est possible que ce malheur qui les a touchés suite à un péché qu'ils ont fait, suite à une erreur qu'ils ont fait, suite à une désobéissance qu'ils auraient fait, ils se remettent donc en cause et revoient leurs actes et se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah azza wa jalla dans Surah Shura, le verset 30. Et tout malheur qui vous touche, c'est parce que vos mains ont accompli, et il pardonne sur beaucoup. Donc les malheurs qui nous touchent, ils nous touchent à cause de ce que nos mains ont fait, à cause des péchés que l'on a commis, walayadu billah, et Allah azza wa jal, au-delà au-dessus de cela, pardonne beaucoup. Autrement dit, que le malheur n'est pas proportionnel à nos péchés. Car s'il était proportionnel à nos péchés, il n'y aurait plus personne sur terre. Donc les mal et les malheurs qui nous touchent, même si on considère qu'ils sont nombreux et qu'ils sont douloureux et qu'ils sont difficilement supportables, ils sont rien par rapport à ce que l'on mérite normalement. Car Allah Azza wa Jalla, comme il a dit, وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, et il pardonne sur beaucoup. Il ne vous prend pas sur tout ce que vous faites. فَبَدَلَ أَنْ يَجْزَعَ وَيَسْخَطْ يَصْبِرْ وَيَتُوبْ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَا أَصَابَ بِهِ ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله جل وعلا فيكون ذلك خيرا له تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويسخط ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأثم بتسخيطه وجزعه، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو حصل على الأجر. أسأل الله السلامة. Et celui qui patiente dans ce malheur et qui se remet en cause et qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce malheur aura été un bien pour lui. Ce malheur aura été au final un bien pour lui et la fin sera heureuse pour lui. Et elle aura été dans son intérêt. Quant à celui qui refuse, quant à celui qui n'est pas d'accord, quant à celui qui proclame son désaccord lorsqu'un malheur le touche, ni il n'est épargné du malheur car le malheur l'a touché, et ni il ne sera récompensé, bien au contraire, il aura des comptes à rendre sur son refus et sur sa contestation de ce malheur qu'il a touché en ne croyant pas à la prédestination. ومن دعاء النبي قال المؤلف ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، علمه دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر بعد الركوع، يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر، والشر هو المكروه الذي يصيب الإنسان أو ما يقع على الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صبته الحسن ابن علي أن يدعو الله جل وعلا أن يقيه شر ما قضى وأن يجعل قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيزعزون ويتسخطون فيحصلون على الإثم. فهو دعا الله جل وعلا بأن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره. Puis l'auteur a dit, et parmi les invocations du prophète sallam qu'il a enseigné à Al-Hassan ibn Ali, il lui a enseigné d'invoquer par celle-ci dans le qunut du witr, en disant « Waqini sharra ma qadayit » et « Préserve-moi du mal que tu as prédestiné » du mal que tu as prédestiné. C'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud ibn Majah al-Tirmidhi. Cheikh al-Fawzan dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son petit-fils Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, qui est le fils de Ali et de Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a enseigné d'invoquer dans son qunut, c'est-à-dire dans le qunut du witr qui a lieu après le ruku', de dire Allahumma hdini fi man hadayt, ou Allah guide-moi avec ceux que tu as guidés. « Wa'afini fi man 'afait » et « Préserve-moi avec ceux que tu as préservés. »« Wa'tawallani fi man tawallait » et « Fais en sorte que je fasse partie de tes alliés et de faire partie de tes alliés. »« Wa'qini sharra ma qadait » et « Préserve-moi du mal que tu as décrété. » الشيخ الفوزان دي الشاهد فيه قوله وقيني شر ما قضيت. Ce qu'on retient de ce hadith, nous concernant, c'est la parole et préserve-moi du mal que tu as prédestiné ou que tu as décrété. A savoir qu'il a assimilé le mal à qui ? À la prédestination. وقيني شر ما قضيت. Et préserve-moi du mal que tu as prédestiné. Washar et le mal, c'est toute chose détestable qui touche l'être humain. Ou ma yaqa'u 'ala al-insani min al-makarih annahu maqdiyun muqaddar. Et le prophète sallam a ordonné à Al-Hassan ibn Ali d'invoquer cela afin qu'Allah azawajal lui préserve de ce mal et de faire que ce qu'Allah azawajal lui aura prédestiné soit un bien pour lui et qu'il ne fasse pas partie de ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par la prédestination, ils sont mécontents, ils sont énervés et accumulent ainsi des mauvaises actions. فهو دعا الله جل وعلا بأن يقيه شر القضاء والقدر. Donc ici dans cette invocation, tu invoques Allah Azza wa Jalla pour te préserver du mal, de ce qui t'est prédestiné et de t'aider à patienter et à prendre sur toi et à accepter la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفيكون ذلك كما قال الشيخ الفوزان فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر عليها وكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Et en patientant dans le mal, dans les malheurs, cela est toujours un bien. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant, lorsqu'un bien le touche, qu'est-ce qu'il fait ? Il remercie. Il remercie. Shakara. Et ceci est mieux pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, qu'est-ce qu'il fait ? Il patiente. Et cela est un bien pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le hadith en disant « Wala yakunu dhalika illa lil mu'min » Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Inna amrahu kulluhu lahu khayr. Toutes ces situations sont pour lui un bien. Que ce soit un bien ou que ce soit un bonheur ou que ce soit un malheur. Dans tous les cas, c'est un bien pour le croyant, car lorsque c'est un bonheur, il patiente et cela est mieux pour lui. Et lorsqu'il a un bonheur, il remercie et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'il est touché d'un malheur, alors il patiente. Et cela est meilleur pour lui, et cela n'est accordé qu'aux croyants. Et cela n'est accordé qu'aux croyants, qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte qu'on fasse parmi eux. On actafi bi hadha al-qadr, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.